Le proverbe manqué, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Monsieur, lu par Rémi. Madame, lu par Margot. Le proverbe manqué. Scène à deux personnages. À Eugène Vercossin. Monsieur, Madame. Monsieur, il regarde sa montre. Il est tard, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas ma faute, c'est ma femme. Chez nous, la femme a la main haute. Quand cela serait vrai, ce serait bien le cas d'initier le monde à nos petits débats. Non. Nous sommes ici pour jouer un proverbe. Alors, dépêchons-nous, ce salon est superbe. Mais le théâtre, où donc est-il? Je n'en sais rien. Monsieur, au public. Ni vous. À la rigueur, on s'en passerait bien. Si nous nous en passions, il suffit qu'on nous fasse, pour un petit proverbe, une petite place. Que de monde, grand Dieu, on en a mis partout. Et ces messieurs qui sont là-bas, au bout, debout, ils ne pourront rien voir. Mais ils pourront entendre. Ils m'inspirent dès lors l'intérêt le plus tendre. Criant au fond. Monsieur, m'entendez-vous? Oui? C'est donc pour le mieux. Savent-ils quel danger en résulte pour eux? Ainsi, point de théâtre. Un fauteuil, une chaise. Et 2 mètres carrés, nous serons fort à l'aise. 2 mètres, cela fait 2 ou 3 de mes pas. 3 ou 4 des miens. Ils arpètent la scène. Monsieur, aux dames voisines. Ne vous dérangez pas. Supposons qu'un beau jour les plantes d'un parterre, sans façon franchissant leur bordure de lierre, envahissent l'allée et coupent le chemin. Au lieu de les pousser du pied et de la main, le jardinier leur dit « Verveines et lavandes, vous qui savez ainsi sortir des plates-bandes, fleurs de notre jardin, poussez à votre gré. Ne vous dérangez pas, je me dérangerai. » Puis cela nous fera gagner quelques minutes. Commençons. Commençons, mais accordons nos flûtes. Où sera la coulisse ? Et puis, nous oublions. Quoi donc encore ? Il faut que nous nous habillions. C'est juste, des acteurs jouant sans leur costume, c'est le renversement de toutes les coutumes. C'est encore un quart d'heure. Un quart d'heure, tu crois ? Oui. Mais s'il t'en faut un, il m'en faut 2 ou 3. 3 quarts d'heure de femme, et de ma femme encore. Nous pourrions commencer au lever de l'aurore. Et quand nous reviendrons en habit pompadour, l'aiguille de ma montre aura fait demi-tour. Si nous nous en passions. De quoi ? De nos costumes. C'est le renversement de toutes les coutumes. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Mais il se fait tard. Il est vrai qu'on pourrait gagner 1 heure et quart. Monsieur au public. Soyons-nous indulgents, messieurs. Qu'il vous suffise de savoir que madame est jolie et marquise. Madame, même jeu. Que monsieur est bien fait, galant et chevalier. Du rouge, de la poudre, une queue, un panier. Un habit à paillons, un jabot de dentelle. Vous le voyez d'ici. Vous la connaissez-elle? Ah, j'oubliais. La scène, on ne sait pas pourquoi, se passe à Trianon. Et Louis XVI est roi. Nous avons 4 acteurs. Nous, d'abord. Puis, Lisette. Et puis, Maître Frontin, mon valet. Ma soubrette. Mais ils ne sont pas là. Si nous nous passions 2. Soit. Ils ne font qu'entrer et sortir. Reste 2. Monsieur, tendant la main à madame. Reste 1, si tu veux bien. Je n'ai pas de rancune. Puisque ma femme et moi... C'est tout un. C'est toute une. Théâtre, habits, valet, supprimé, commençons. Au lever du rideau, mais nous nous en passons pour cause. Je suis seule et je sonne Lisette. Supprimant les valets, supprimons la sonnette. C'est juste, alors j'explique. Un peu trop longuement. Que mon mari défunt était... Un garnement. Et que ne voulant pas renouveler l'épreuve, je suis bien décidée à toujours rester veuve. Eh bien, voilà la scène expliquée en 2 mots, nette, claire, précise. Alors, à quel propos la jouer? Tout le monde ici la sait de reste. Puis elle dure au moins... 12 minutes. Peste! Si nous la supprimions... Oh oui, Supprimons-la. Ici, la veuve chante une romance en la. Passons-la. J'entre alors, j'interromps la romance. C'est, à vrai dire, ici que la pièce commence. J'entre donc par la gauche et je m'exprime ainsi. Voyons, la porte est là, la fenêtre est ici. Madame, je passais lorsqu'une ritournelle. Ah diable, nous voici dans la grande querelle. Vous savez, le combat de Gluck et Piccini. À moins d'un gros quart d'heure, on n'en a pas fini. Supprimer ces débats, ces brouilles, ces disputes, ce serait donc gagner au moins 15 minutes? Si nous les supprimions. Ce serait mon avis. Ma femme, vos conseils doivent être suivis. Il me vient une idée assez extravagante. Mon mari, votre idée est peut-être excellente. Si nous ne jouions pas. Pas du tout. Pas du tout. À quoi bon les laisser s'ennuyer jusqu'au bout? S'ennuyer est bien dur. Ce proverbe, à vrai dire, n'est ni bon ni mauvais. Or, du meilleur au pire, la différence est mince, et sans être bien fin, dès le commencement, on devine la fin. On sait bien, en amour, que plus on se malmène, plus on doit s'épouser à la dernière scène. Si nous ne jouons pas, compte combien d'heureux nous faisons. Nous, d'abord, ici cela fait deux. Puis la bonne moitié de ceux qui nous entendent. Et tous ceux qui, de loin, sans rien entendre, attendent. J'ai compris tout à l'heure une dame là-bas qui disait doucement « Ils n'en finiront pas ». Je viens d'apercevoir un monsieur ici contre qui, d'un regard furtif, interrogeait sa montre. Oui, madame, c'est long. Oui, monsieur, il est tard. Mais ce n'est pas vous seul qui pensez au départ. Songez à vos cochers qui sont là sur un siège, bravant le froid, la pluie et peut-être la neige. Songez à vos portiers, dont le sommeil complet datera de ces mots « La porte, s'il vous plaît ». Songez à vos valets de l'un et l'autre sexe, qui sont là, s'étirant dans un repos perplexe. Ils savent, les valets aiment à tout savoir, qu'on devait vous jouer un proverbe ce soir. Or, on sait à Paris ce que « jouer » veut dire. Les païens n'avaient pas inventé ce martyr. Renverser l'existence et se donner l'ennui de commencer demain pour finir aujourd'hui. Songez à vos santé. Une formule ancienne place dans le sommeil la meilleure hygiène. Songez à vos enfants, à ces petits amis, qui sont depuis longtemps dans l'alcôve endormis. Assez, femme, voilà la raison la meilleure. On ne peut pas parler d'enfants sans que je pleure. Ils ont peut-être soif. Ils ont peut-être faim. Portons-leur un baiser. C'est le mot de la fin. Fausse sortie. Monsieur à la cantonade. Le rideau, baissez donc le rideau. Je suis bête. Mon mari, vous avez ce soir perdu la tête, et de votre public, vous vous êtes moqué. Cela s'appellera le proverbe manqué. Fin de Le proverbe manqué.